Tu vas repartir à poil. Comme à l'époque où je baisais la loi, je prenais mes droits et je passais la douane. Préviens les photos maintenant j'ai changé. Parce que j'ai très bien mangé. Me demande pas comment ça se fait. Quand j'avais well ou personne m'a donné. C'est mon grand frère, moi je t'aime. Tu resteras dans mon cœur. Tu m'as dit faut être, t'es un acteur. Ne bouge pas, t'inquiète, c'est moi l'auteur. S'il faut les faire, s'il faut les faire d'air, on va faire des murders. Solitaire, on a la même mère, mais on a plus de père. Quand papa est mort, je savais plus quoi faire. J'ai trouvé que toi, mon frère. Des fois ça va pas, on se prend la tête, mais moi je meurs pour toi. Si un jour je suis à terre, comme ma maman terre, je compterai sur toi. Et même si on est père, on a plus rien à perdre, tu sais pourquoi. Tu resteras mon frère, ce malgré tout. Entre nous, ne laisse pas les gens mettre des doutes. Si je meurs, je compte sur toi pour me mettre dans la soupe. J'exagère pas quand je te dis que je t'aime plus que tout. Tu resteras mon frère, ce malgré tout. Entre nous, ne laisse pas les gens mettre des doutes. Si je meurs, je compte sur toi pour me mettre dans la soupe. J'exagère pas quand je te dis que je t'aime plus que tout. Je connais les valeurs de l'homme. Bon car abaisser les valeurs de l'autre. Oui on était solidaires à l'époque. De lunatique et la fierté des nôtres. On a grandi maintenant c'est plus la même. Au quartier ça pue la merde. Y'a ceux qui rafalent, ceux qui partent à la Mecque. Y'a ceux qui pètent on appart à la meule. Oui on a grandi ensemble. Tu me jalouses bien que tu connais mon histoire hein. Je vais des sous, je rentrais pas le soir. Papa est mort même si papa se soigne. J'ai eu du mal à me relever. Mais vous voyez que les sous que je fais. J'vont parler que du buzz et des vues que je fais. Le premier qui parle il va m'enfler oh voilà. Je savais plus quoi faire. J'ai trouvé que toi mon frère. Des fois ça va pas. On se prend la tête mais moi je meurs pour toi. Si un jour je suis à terre comme ma maman terre, je compterai sur toi. Et même si on est père, on n'a plus rien à perdre. Tu sais pourquoi. Tu resteras mon frère ce malgré tout. Entre nous ne laisse pas les gens mettre des doutes. Si je meurs je compte sur toi pour me mettre dans la soupe. J'exagère pas quand je te dis que je t'aime plus que tout. Tu resteras mon frère ce malgré tout. Entre nous ne laisse pas les gens mettre. Pour me mettre dans la sauce. J'exagère pas quand je te dis que je t'aime plus que tout. T'inquiète pas mon frère, si à quoi que ce soit je me les fais. Je m'en bats les couilles de ma carrière moi. Mais s'imaginer quoi. Qu'on a jamais rien fait hein. Qu'on allait pas s'acheter d'armes alors qu'on a fait des lovés. Bêtes qui sont.